Les innocents, partie 2. Прослушайте текст и объясните, как два преступника оказались в зале суда. Le deuxième procès. Monsieur le juge, ainsi a commencé l'aîné des deux jeunes gens qui sont accusés du vol d'un sac à main. Monsieur le juge, mon copain et moi, nous sommes innocents. La vieille dame s'est trompée. Ce gars et moi, nous nous promenions dans la rue et cette dame marchait devant nous. Tout à coup, elle s'est retournée et elle a commencé à nous frapper avec son sac. Nous voulions nous défendre et j'ai pris le sac. Elle a commencé à pousser des cris. Nous ne voulions pas réveiller tous les voisins qui dormaient et nous nous sommes enfuis. À ce moment-là, nous avons vu l'agent de police. Nous nous sommes approchés de lui pour demander sa protection contre cette vieille enragée. C'est pour cette raison que nous sommes venus au tribunal, pour vous montrer que nous sommes des gens honorables, tous les deux. Nous voulons lui rendre l'argent qui est tombé par terre pendant qu'elle nous frappait.